cours numéro 18. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir qa'idatan hamma, muhimma, nafi'a bi'idnillahi azza wa jal. Fama hi? Fattal. أحسنت. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. ما معنى هذه القاعدة؟ Le sens de cette règle نافعة عند من؟ تفضل. نؤمن بالآية بدون تأويل. أحسنت. لابد من لفظ نؤمن. قوله إجراؤها على ظاهرها أي نؤمن بظاهر اللفظ. شكوى ظاهر اللفظ؟ أحسنت. المعنى اللائق بالله. فنؤمن بالمعنى اللائق بالله عز وجل. فسمعنا هذه القاعدة: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. فمثلا قوله بل يده مبسوطتان ولا ستسوما كم إكزامب، فإجراؤها على ظاهرها أي هذا النص ولا ليس على ظاهره، فنؤمن بهذه الصفة. كذلك le lien avec la langue arabe ما هو؟ تفضل. أحسنت. فقوله إجراؤه على ظاهرها، الظاهر c'est la langue arabe. أنت pour comprendre ce verset tu as que la langue arabe. Bien sûr, la compréhension des salafs. Les salafs, ils l'ont compris avec la langue arabe. Sans déformer, sans comparer, sans ajouter, sans diminuer. Des mains, ils ont dit c'est des mains. Les Allah Azza wa Jal qal yada. Et toutes les autres sifats, c'est hakada. Qawluhu dun tahrif. Ma ma'na hada. Ma ma'na ce passage de l'qa'ida dun tahrif. Tadda. لا نغير الظاهر. لا بس كذا كي تفضل. نفسر الصفات بالمعنى باطلا. أحسنت. نعم. لا نحرف أي نغير المعنى qu'on comprend avec الظاهر. كذا كي زيد مثال للتحريف تقدم معنا كثيرا. تفضل. أحسنت. هذا زي تحريف. بعضهم إذا أكسبيكي لما بغلا فقص، وهذا تحريف، لأن الله عز وجل قال يدا. يا الله سبحانه وتعالى لا باكو دو فقص، دونك تبا أكسبيكي لما هنا بغلا فقص. قال لا سيما نصوص الصفات إلى آخر. أي نعم. فهذا في الحقيقة القاعدة سي بور تو، سي باكو بور الصفات. فلهذا قال جمع العثيمين لا سيما نصوص الصفات، سيغتو les textes concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa notre din il est fondé sur hada anna an-nusus tabqa 'ala adh-dhahir, sauf dans certains cas bien sûr, anna al-ulama yu'awwilun jam'an bayna al-adilla, ou pour expliquer ou en langue arabe adh-dhahir yahtamil kada wa kada, fa bi hada al-hal yu'awwilun. Lakin on revient à la compréhension des salaf, et hada at-ta'wil, hada at-tafsir il est fondé sur un autre dalil. Amma ouvrir les portes anna kull wahid il explique avec le hawa. لأن سبب شر عظيم، et c'est parmi les plus grandes causes أن الأمة افترقت، et c'est une des plus grandes causes d'égarement et de division. C'est هذا. Tu prends n'importe quel sujet, si tu prends les صفات، فالأشاعرة ils ont un قول، المعتزلة ils ont un قول، الجهمية ils ont un قول، المفوضة ils ont un قول. إلى آخره. أهل السنة، أهل الحق ils ont un قول، ils ont un قول الحق. C'est quoi qui a poussé la division؟ On a tous ces groupes. Ils ont délaissé la vérité, ils ont divergé avec Al-Sunna à cause de At-Ta'wilat ou At-Tahrifat Al-Batila. Hada, il a pensé que ça impliquait une ressemblance. Hada, il a conclu que Allah, il n'avait pas de sifat. Liana, si tu dis que la sifat, c'est une ressemblance. Hada, il a déformé la sifat. C'est pas une main, en fait, c'est la force. Et ils se sont divisés. Et la umma, elle est divisée à cause de haoula. On a une règle nafi'a dans notre dîn, on revient au texte du Coran et de la sunna. Et pour comprendre ces textes, wallahi alhamd, on a la langue arabe, on a sunnat al-nabi alayhi salatu salam, on a madhhab al-salaf, on a al-rujou' ila ahl al-ilm qui nous aide à comprendre. Amma, ouvrir les portes à tout le monde et chacun explique comme il veut, fa'ayyadan billah, ça a causé l'égarement fi hadha al-bab wa sifat wa fi ghayri. Et la règle suivante, elle va nous aider, bi'idnillahi azza wa jalla, à comprendre akthar ce point et cette règle. Aïma yata'alak bi zahir al-nas. On répète la parole de Shaykh al-Uthaymeen, et c'est ça le muhim. Wahuna, dans cette qa'ida, qawluhu ijra'uhu ala zahiriha, qala fi sharh rahimahullah. On avait cité ensemble hadha al-kalam dans le dors précédent. Qala fa zahir al-nusus fi asma'illahi wa sifatihi. ظاهرها المعنى أو ظاهر المعنى اللائق بالله عز وجل. C'est ça الظاهر. C'est المعنى اللائق بالله. C'est tous ces exemples qu'on vous avait cités. Quand tu dis la main de Muhammad, tu auras une معنى la main de Muhammad. Et quand tu dis la main d'Allah سبحانه وتعالى, c'est une main لائقة بالله عز وجل. Et qui ne ressemble pas aux autres mains. Et cette main, elle est parfaite. Et comment elle est ? Allahu a'lam. Falihada qala rahimahullah. Et on continue la lecture, la troisième règle. Al-qa'idatu thalitha. Zawahiru nususi sifat. Ma'loumatun lana bi'tibar. Wa majhoulatun lana bi'tibarin akhar. فباعتبار المعنى هي معلومة. وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. Donc, les deux règles, elles sont liées, la deuxième et la troisième. فَظَاهِرُ النُّصُوص. On répète, ظَاهِرُ النُّصُوص, c'est ce que tu lis en langue arabe. أَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى يَنْزِلْ. Ça, c'est ظَاهِرُ النُّص. Tu as un love dans l'arabe, يَنْزِلْ. Tu peux traduire en français, il descend. أَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى, il a un visage, il a des mains, il a des doigts. وَهَكَذَا. Toutes les sifat qu'il a citées, subhana fi al-Qur'an al-Karim, ou al-Rasul al-Karim, alayhi salatu wassalam, fi al-Sunnah. Hadhihi al-Nusus, qala zawahir al-Nusus al-Sifat, ma'loumatun lana bi'tibar, wa majhoulatun lana bi'tibar. Fait, tu as deux choses importantes, hein? Une première chose qu'on connaît, et une deuxième chose qu'on ignore. Et kathirun minan nas, khallatu. فَتَخَبَّطُوا هُنَا. Beaucoup de gens, ils n'ont pas compris cette différence et عِيَدًا بِاللَّهِ, ils se sont égarés. إِمَّا, ils ont cru, ils ont pensé connaître ces deux choses, ces deux égarements. إِمَّا, ils ont pensé qu'on ignorait ces deux choses, ils se sont égarés. C'est quoi ces deux choses ? قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَبِعْتِبَارَ الْمَعْنَى. Ça, c'est le premier point. الْمَعْنَى, c'est le sens. قَالَ هِيَ مَعْلُومَ. Donc, ce premier point, on le connaît. Aïe, le sens. Qala, wa bi'tibar al-kayfiyya. C'est le deuxième point. Al-kayfiyya taqaddama ma'na hadha al-lab. Aïe, al-kayfiyya, le comment. Kayfiyya tusifa, aïe, c'est comment elle est. La décrire. Qala, hiya alayha, aïe, hadihi, qala, wa bi'tibar al-kayfiyya, allati hiya alayha, aïe, sifa, majhoula. Ce deuxième point, on l'ignore. Aïe, le comment. فَاللَّهُ أَعْلَمْ بِهِ. Si tu as compris, أخي الكريم, cette قاعدة, هكذا, ça va t'ouvrir beaucoup de portes في هذا الباب, et tu comprendras l'égarement de beaucoup de sectes, beaucoup de groupes dans ce point, في هذا الباب, باب الصفات. تقدم معنا أن المعنى معلومة dans la deuxième règle. Et المعنى, c'est quoi? C'est ce qu'on comprend avec la langue arabe. فقوله رحمه الله. فباعتبار المعنى هي معلومة, et le sens on le connaît. On avait cité une précision importante dans le dors précédent. أصل المعنى, pas المعنى, أي أن الإنسان connaît حقيقة هذه الصفة. لا, ce qu'on connaît, c'est أصل المعنى, كما بين الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمورية, وهكذا الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه في شرح الطحاوية. ils ont bien précisé, on a un al-ma'noum, c'est aslu al-ma'na. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains, il a une vie, il a de la science, il sait tout, il est capable de tout. Hada ma'loumun lana. Pourquoi? Li'anna hada al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé en langue arabe, Qur'anan arabiyyan, et alhamdulillah, s'il l'a révélé en langue arabe, c'est pour qu'on comprenne, enfin on comprend le sens. Lakin al-kayfiyya, haqiqatu as-sifa, wal-kayfiyya, fahada Allahu a'lam bih. Ça c'est très très important, ce point, هنا. Qala wa bi'tibar al-kayfiyya allati hiya 'alayha fa majhula. Taqaddam ma'ana anna pour connaître kayfiyatu as-sifa, n'importe quelle sifa de n'importe quelle chose, imma il faut avoir vu cette chose, imma avoir vu un semblable, une chose identique, imma avoir une information fiable, authentique du comment, de le kayfiyya. Une de ces trois choses. Et on avait cité l'exemple avec deux livres, avec deux stylos, ila akhir. Tadkurun dans les qawaid précédentes. Fa Allah subhanahu wa ta'ala ma ra'ina. On ne l'a pas vu. Tant qu'on est fait de dunya, on ne l'a pas vu. Donc on ne peut pas se prononcer via hada. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de semblable. Il n'a pas d'identique. Laysa kamithlihi shay'un. Donc, tu ne peux pas décrire un identique pour décrire l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ahad. C'est le somad. Azza wa jal. Il est unique. Fi dhatihi wa fi asma'ihi wa fi sifatihi wa fi af'ali. Azza wa jal. Deuxième point, tahina. Le troisième, al-khabar. Al-khabar al-sahih. Une information qui va nous aider à connaître le comment. Hada, on n'a pas d'information fi al-Qur'an ou fi al-Sunnah. Tu ne trouveras jamais un texte qui cite le kayfiyya, le comment d'un attribut d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés. فَمَاذَ بَقِيَ أَن نَقُولَ أَللَّهُ أَعْلَمُ. Et tu استفيد من هذا أن الكيفية لا شك أن toutes les sifat d'Allah Azza wa Jalla, elles ont une kayfiyya, un comment. كما بيّن أهل العلم أن ما من شيء موجود إلا كيفية. لكن تأمل قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وباعتبار الكيفية التي عليها مجهولة. أي pour nous elle est مجهولة. Il n'a pas dit أنها غير موجودة أو مستحلة أو غير ممكنة. لا. Il a dit مجهولة. مجهولة ça veut dire qu'on l'ignore. أي elle existe. Il y a vraiment un comment. لكن نحن l'ignore. Et parler بلا علم c'est حرام. ولا تقف ما ليس لك به علم. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. Donc, cette qaïda, elle est très très importante. Anna, fi hadha al-bab al-azim, on connaît une chose, on ignore une autre. On connaît le ma'na, aslu al-ma'na, et on ignore le kayfiyya. Et on avait détaillé, walillahi alhamd, dans le dars précédent, la deuxième règle, anna, le sens d'une chose, tu le connais réellement, ou tu le connais plutôt correctement, fi hasab al-idafa. Famathalan, لفظ القوة la force, tu auras une compréhension par rapport à l'idava, et cette force elle est liée à qui? Enfin, si c'est la force d'un lion, tu vas comprendre que la force elle est de telle manière. Si c'est la force d'une fourmi, c'est la force d'un être humain. Si c'est la force d'un chameau, hatta les êtres humains entre eux, l'enfant il n'a pas la même force que l'adulte, il a akhir. Enfin, si tu dis ou tu lis un texte où il y a la force, أن الله سبحانه وتعالى هو القوي. فهذه force en aucun cas tu penses, tu compares à la force de la créature. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كلام شيخ ابن عثيمين كنا cité au début du درس et qu'on avait cité ensemble dans le درس précédent. أن ظاهر المعنى c'est le معنى اللائقة بالله عز وجل. Quand on dit que Allah il a des mains, quand tu dis les mains d'Allah سبحانه وتعالى, pense pas aux mains des créatures. لماذا؟ لأن tu as dit les mains d'Allah. Et Allah ne ressemble pas aux créatures. Et on avait cité l'exemple avec la vie. An Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatu al-hayat. Allah subhanahu wa ta'ala il a une vie, elle est parfaite. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle n'a aucune imperfection, aucun manquement cette vie. Fa nu'min an Allah c'est le hay. L'être humain, kadhalik, il a une vie. Lakin, est-ce qu'elles sont semblables? Abadan. La vie de l'être humain, elle est faite de faiblesses, de manquements, de défauts. Elle a un début, elle a une fin. L'insan est moukha. Wa hakada. Hada, inshaAllah ta'ala, c'est compris. Et on insiste, certains les frères qui nous écoutent, les frères qui sont présents, alhamdoulilah, ils étaient là dans le dars précédent. Ceux qui nous écoutent et qui n'étaient pas présents dans le dars précédent, qui n'ont pas écouté le dars précédent, beaucoup de choses peut-être qu'ils ne comprendront pas. On ne va pas tout répéter. Mais c'est ça l'ilm. Comme les ikhwa ne comprennent pas des choses et ils appellent ou ils envoient des messages, ils demandent, les madal, il y en a, ils n'écoutent qu'une partie des durus. Quand tu étudies un livre, il y a beaucoup de masaïl, elles sont liées. Le shir, c'est une chose au début, la recite au milieu du livre, il ne va pas tout réexpliquer ce qu'il a cité au début. Et le mudarris qui explique, neuf sechei, on ne peut pas toujours tout répéter, c'est un livre. Lakin ba'dal ikhwa, ils écoutent une partie, ils ne comprennent pas. Et ils pensent que c'est celui qui fait le dars, qui a oublié de citer telle chose, ou qui n'a pas détaillé. Donc, il faut faire des efforts. Lakin l'asam, on vient à une époque, كثير من الناس se sont habitués à l'ikhtisar, à l'mukhil. بعضهم un dars de 40 minutes, pour eux, c'est trop long. Certains à notre époque, avec ces téléphones, avec tous ces messages, ils ont l'habitude d'un message de deux lignes. Une fatwa, un audio de une minute. L'ilm, c'est pas ça. Ça, c'est mimbab, il faut voir, il tayyib de temps en temps. Mais l'ilm, il faut donner du temps. Certains à l'ilm, il faut étudier de la première règle jusqu'à la dernière pour comprendre. Un mawahid, il assiste un jour à ce dars, le lendemain, il n'assiste pas. Un jour, il a fait la deuxième règle avec nous. Après, il ne fait pas la troisième, il vient à la cinquième. Ça peut être très très grave, il comprend mal les choses. Et alhamdoulilah, on vit à une époque où tout est facilité. Celui qui a manqué un cours, il peut le réécouter, il peut demander à ses frères si les doulous ne sont pas encore propagés. Avant de se prononcer ou de poser une question, il attend hatta les doulous se propagent, il écoute tout. Et en général, ceux qui écoutent tous les doulous, du début à la fin, sérieusement, en général, il n'y a pas d'ishkal. Ils n'ont pas beaucoup de questions. Il y en a le kalam. De Cheikh Ibn Uthaymeen, on essaie de simplifier, c'est très très clair. Pour comprendre l'ilm, il faut donner du temps. Il faut l'étudier du premier livre au dernier livre pour, inshallah ta'ala, tu comprendras la plupart des masaïd. Les quelques questions qui te resteront, ça sera très très simple. Avec la lecture, en demandant, inshallah, ça sera compris. Qala rahimahullah, wa qad dalla ala dhalika as-sam' wal-aql. أي أن المعنى لمعلومة والكيفية لمجهولة بغنو أما السمع أي القرآن والسنة فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Vous avez remarqué que ces trois versets, une sourate Sad, Az-Zukhruf, Wan-Nahl, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il les a cités pour montrer l'importance de méditer sur les versets du Coran. L'importance de comprendre, de donner du temps. فقال رحمه الله والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه. Vous avez vu le lien. Al-An, il a cité des preuves awwalan sur al-ma'na, avec le sens, on comprend ce sens. Limada li'anna, la plupart de ces faits, tu as des adillah fil Qur'an. Si on prend l'exemple du Qur'an, wa hakada fi sunnah, c'est la même chose. Lakin adillah huna, c'est fil Qur'an. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, fil Qur'an al-Karim, il a cité beaucoup de noms, beaucoup d'attributs, beaucoup de af'al. Azza wa jal. Et Amorana bitadabur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de méditer sur ces versets. Faqala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa tadabur, et le fait de méditer. La yakun illa fima yumkin al-wusul ila fahmi. Tu ne peux pas méditer sur une chose que tu ignores. Mathalan, on te passe un livre en chinois. Tu ne connais pas la langue chinoise. Et on te dit médite sur ce texte. Ma tastati'a. Tu vas dire, aslan, je n'arrive pas à comprendre. L'exemple de la langue chinoise, il n'est pas taillé. Les mains d'aller, on ne sait pas lire la langue chinoise. On prend une langue qu'on sait lire. Mathalan, Wahed, il ne comprend pas l'anglais. Là, il sait lire, c'est les mêmes lettres. Il va pouvoir lire, même s'il a des problèmes de prononciation. Et après, on lui dit, médite sur ce que tu viens de lire. Il ne peut pas. Il va dire, je ne comprends pas la langue anglaise. Je comprends le français. Si tu me donnes un texte français, je pourrais comprendre et réfléchir, analyser le texte. Mathalan, je ne comprends pas. فقال الشيخ ابن عثيمين والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه. Donc ça montre qu'on comprend هذا القرآن. قال ليتذكر الإنسان بما فهمه منه وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية. Donc le Coran c'est en langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de méditer. Donc l'insan qui fait des efforts, il va comprendre. Bien sûr, s'il comprend la langue arabe. قال ويدل على أن معناه معلوم. Donc ça nous montre أن le sens de ce Coran est معلوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالتدبر. Allah nous a ordonné de méditer, réfléchir. Ça montre que ce Coran qui est en langue arabe, on peut le comprendre. On ne pourrait pas le comprendre. فالأمر بالتدبر ça serait une chose d'impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas nous ordonner une chose d'impossible. أبدا. قال وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. C'est pour ça qu'on a cité l'exemple avec la langue anglaise ou la langue chinoise. Si le Coran serait incompréhensible, il n'y aurait aucune différence qu'il soit révélé en langue arabe ou une autre langue. On ne pourrait pas le comprendre. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, fi kathir min al-ayat, azza wa jal, il précise bien qu'annahu azza wa jal, il a révélé ce Coran en langue arabe. Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qiloun. Ta'qilounouna ay tafahamoun. Donc ça montre que le fait qu'ils soient en langue arabe, il y a une faïda azima. C'est une langue fasiha, c'est une langue qui est facile à comprendre, c'est une langue, quelques mots, ils vont te donner des sens très très larges. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé avec la meilleure langue. Le meilleur livre, il a été révélé avec la meilleure langue, la langue arabe. Donc ça nous montre qu'on peut comprendre. قال شيخ العثيمين رحمه الله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. نعم. قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a reçu la révélation. المراد هنا la première c'est sunnah. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu deux révélations, القرآن والسنة. السنة الله سبحانه وتعالى lui a révélé وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى pour expliquer le Coran. فالشيخ العثيمين قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. Donc النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré l'essence de ce Coran. Ça montre que le sens il est connu, c'est pas une chose d'impossible. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré l'essence, il nous a expliqué l'essence. قال وأما العقل. Donc ça c'est les textes qui montrent que le sens il est connu. قال وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للقلب ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. Est-ce que هذا ça rentre في العقل؟ أن الله عز وجل يغيبنا كتاب سبحانه avec une langue arabe claire. ثم le sujet le plus important c'est ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. C'est l'aqidah, c'est l'iman. C'est le point le plus important dans notre dîn. Et ça englobe le fait de connaître les noms d'Allah azza wa jalla et ses attributs. Enfin, est-ce que la raison, elle accepterait que la chose la plus importante, on ne peut pas la comprendre? Abadan. Abadan. C'est des choses qui sont beaucoup moins importantes qu'abad al-mu'amalat, ba'd المستحبات c'est beaucoup moins important que باب الأسماء والصفات. فأنا علم واضح فيها حتى قال سلمان رضي الله تعالى عنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء إلى بخصيص حتى الخراءة. حتى الخراءة أي même le fait comment faire ses besoins, on a des détails. Tu dois pas te mettre en direction de la Qibla. Tu dois te nettoyer à la fin, avec la main gauche, avec de l'eau, tu dois te purifier. Tout ça, on a des abouab al-tahara, abouab al-istinja, il est ma'rouf. C'est détaillé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a détaillé. On a des versets du Coran, al-Karim, sur al-wudu, sur tahara, il a appelé. Enfin, comment ce bab al-azim, al-iman ou billah, le premier pilier de l'iman, la base du din, on va l'ignorer. Là, ça ne rentre pas dans la raison. Qala. ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة أي باب الإيمان هنا ديال الأسماء والصفات مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله سبحانه وتعالى. Celui qui connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, il va comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé هذا القرآن المبين هدى ورحمة للناس. Et هذا الهدى, on ne pourra pas le comprendre, on ne pourra pas comprendre certains versets. Si tu viens à compter le nombre de versets sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs, tu verras qu'il y a des centaines, des milliers de versets. Enfin, tous ces versets, on ne les comprend pas. عياذا بالله فمن يقول بهذا إلا المنحرفون كل زكاري كيف من هذا قال وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فتأمل قوله فصلت فصلت أي المعنى اللي واضح للسنس اللي كلير يا أكن شبهة يا أكن أكن غيزون de mélanger de ne pas comprendre pour celui qui connaît la langue arabe qui revient أهل العلم qui يجمع بين الأدلة, il prend pas ce qu'il veut, il s'écarte des passions, فبإذن الله عز وجل هذا الدين il est très très clair. Tu auras quelques مسائل خاصة من النوازل, certaines choses qui n'étaient pas à l'époque, ربما بعض الناس ils ont du mal à comprendre, et en revenant aux gens de science c'est واضح. أما باب الإيمان et أركان الإسلام et les عبادات qui sont connues, فالحمد لله c'est très très clair. قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. Donc deux choses. Tu as des textes qui montrent qu'on connaît le sens du Coran. Et il faut bien comprendre, on a le lien avec la qaïda. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets sur صفات. Donc si tu comprends le Coran, il est en langue arabe, tu comprends les sens. فهكذا, tu vas comprendre le sens de صفات. Pourquoi on comprendrait tout le Coran sauf les صفات? Qui c'est qui a fait ce tafsir? Man illa ahlul ahwa. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran bi lughatil arab, une langue claire pour qu'on médite. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de méditer, c'est qu'on peut comprendre. Wa illa l'ordre il n'aurait aucun sens. Comment tu veux méditer sur une chose et tu ne la comprends pas? Ça c'est l'épreuve du Coran. Wal aql, ça c'est lié. Celui qui a une raison saine, il n'acceptera pas de prétendre que ce Coran c'est un Coran azim en langue arabe, c'est la guidée, on doit méditer, et à la fin tu lui dis lakin il est incompréhensible ou certains versets sont incompréhensibles, la raison elle n'accepte pas hada. Donc hada awwalan, et c'est ce qu'on a vu dans la deuxième règle ma yata'allaq bil ma'na. Qala wa amma dalalatuhuma ala jahlina laha bi'tibar al kayfiyya ay dalalatu al aql وقبل ذلك السمع sur le fait qu'on ignore le kayfiyya. قال فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. هذا on l'a vu ولله الحمد كما قال شيخ ابن عثيمين dans la sixième règle des صفات. شيخ ابن عثيمين il avait fait un tambih أنه attention à deux choses, التمثيل والتكييف, et il avait détaillé أن الكيفية on peut pas la connaître. لماذا؟ لأننا on n'a jamais vu Allah عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا pas d'identique, لا pas de semblable. لماذا؟ لأننا on n'a pas de texte sur le kayfiyya. أما دلالة العقل, فكمن tu peux donner une chose, une kayfiyya, un comment à une chose que tu ignores, ça rentre pas dans la raison. فلهذا pour donner le kayfiyya tu as besoin de ces trois choses qu'on vient de citer. هذا ولله الحمد كله تقدم. C'est pour ça que on a fait ce rappel. Ce livre, les qawaïd, elles sont liées. Pour comprendre هذا الباب, il faut avoir compris les qawaïd précédentes. قال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة. Après avoir expliqué, simplifié, clarifié, رحمة الله عليه, هذا الباب العظيم, ما يتعلق بالمعنى والكيفية, le sens et le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Al-Uthaymeen, رحمة الله عليه, هنا il va citer un kalam nafis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh fi ar-radd 'ala al-mufawwidah. Al-mufawwidah c'est un groupe iyadan billah qui se sont égarés fi hadha al-bab. Ce groupe, pour résumer, annahum en haqiqa ils ont voulu s'écarter du ta'til et du tamthil et waqa'u dans un égarement encore plus grave ou aussi grave. على كل حال très très grave. فماذا قالوا المفوضة؟ المفوضة سمعت du mot تفويض. التفويض تفوض هذا الشيء إلى فلان. C'est tu laisses une chose, tu rentres pas dedans. Tu donnes la responsabilité à un autre. C'est ça التفويض. Et هنا المعنى أن بعض الناس ماذا فعلوا؟ المفوضة. Ils ont fait cette bid'a du تفويض. قالوا مثلا, on garde toujours l'exemple صفة اليدين. Allah سبحانه وتعالى il a deux mains. هم, ils ont compris l'égarement de l'moumathila. Ils ont dit, l'moumathila c'est des kafara, ils ont fait ressembler Allah à la créature, les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent pas être comme les mains de la créature. Les mains d'Allah, Allah azza wa jalla, il est parfait l'être humain, enfin, c'est un être humain avec toutes ses imperfections et ses faiblesses. Donc ils se sont écartés du zamtil. At-tahrif, nafs al-shay. Ils ont compris que c'était de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala قال, il a des mains, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit la force. Il aurait voulu dire la force, il aurait dit la force, Azza wa Jal. Et combien de versets Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré annahu c'est le qawi. Annahu dhu quwwa, Azza wa Jal, ou dhu quwwa, subhanahu ila akhiri. Donc ils ont compris que c'était de l'égarement. Kadhalik, ils ont compris que al-mu'attila, ceux qui ont rejeté la sifat, c'est de l'égarement. Limadha, li'anna Allah Azza wa Jal, dans le Qur'an al-Karim, et l'unanimité de la umma que le Qur'an, c'est haq. Et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a des versets, donc on ne peut pas rejeter. Donc ils ont compris l'égarement de l'mu'attila, ceux qui ont dit qu'Allah il n'a pas de main. Hakif, alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال بل يدام مبسوطة, ils ont compris هذا. Lakin, الحقيقة, après tout ça, il reste qu'un bab ahl sunnah. Si tu as compris l'égarement de Haoula, de Haoula, de Haoula, donc tu dis Allah il a des mains, c'est des vraies mains, et elles ne ressemblent pas aux mains des créatures, et on s'arrête là, on connaît le sens, on sait que c'est des mains, lakin comment elles sont, Allahu alam. Ça c'est عقيدة أهل السنة. لكن هم عيادا بالله, ils ont ouvert un bab khatir. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que connaître ou reconnaître ou savoir l'égarement des autres, ça suffit pas si tu reviens pas à Ahlul Haqq, Ahlul Ilm. Léanna, tu peux inventer عيادا بالله un autre égarement, tu peux inventer une autre bid'a autre que celle des autres et tu seras toujours dans l'égarement. فمثلا المفوضة, ils savent que الممثلة, المعطلة, المحرفة, tout cela c'est des égarés. Ils pouvaient revenir à Ahl al-Sunnah, lakin ils ont inventé un autre madhab. C'est pour ça que connaître l'égarement des autres c'est tayyib, lakin tu dois le connaître en connaissant le haqq. Mais comme min Ahl al-Batil yaruddun ala Ahl al-Batil, et c'est tous des égarés. Al-Asha'ira, ils ont compris l'égarement de l'Mu'tazila. Et il y a des redoutes qawiyya entre les deux groupes. Lakin, est-ce que, on va dire, l'Asha'ira, ils sont à la haqq parce qu'ils ont répondu, ils ont répliqué le Mu'tazila? Eh ben, c'est tous des égarés. Ils se réfutent entre égarés. Fa, ala kulli hal, al-mufawwidha, c'est de dhullal. Fa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, anna Allah, subhanahu wa ta'ala, qal bal yaddah mabsutatan, mais on ne sait pas c'est quoi des mains. Tu lui demandes, est-ce qu'il y a une différence, madalan, entre les mains et le visage? Il te dit, Allahu a'lam. Il connaît rien des sens, al-mufawwid. Pour lui, c'est bimanzilat qawlillahi azza wa jal alif lam mim. Ala qawl annana, on ne connaît pas al-ma'na. Alif lam mim, mathalan, si on demande à l'un d'entre nous c'est quoi le ma'na, Allahu a'lam. Ou qawlu azza wa jal noon. Ou qawlu azza wa jal yasin. Allahu a'lam. Ba'd ulama, ils ont des explications, lakin on ne détaillera pas ici. Enfin, pour nous, on ne connaît pas. عندهم قول الله عز وجل ثم استوى على العرش, ça n'a aucun sens pour eux. Ils disent Allahu a'lam. Al-Mufawwid, comment ils se sont égarés? Ils ont mélangé, ils n'ont pas différencié entre le sens et le kayfiyya. C'est pour ça que le Mufawwid, مثلاً, les mains, il va être d'accord avec toi sur un point, il va te dire, les mains, on ne sait pas comment elles sont. Ça, c'est haqq. Enfin, un tas, tu vas le dire, c'est des vraies mains, on ne sait pas comment elles sont. Il va te dire, là, on ne sait pas comment elles sont, et tu ne peux pas dire c'est des mains, des vraies mains. Allah, il a dit des mains, laquelle on ne sait pas c'est quoi. C'est ça la différence entre Al-Mufawwidha et Madhab al-Salaf. C'est pour ça que le regardement, il est très très dangereux. Limadha li'anna kathiran min an-nas, ils ont pensé que Al-Tafwid, c'était Madhab al-Salaf. C'est pour ça que c'est une fitna azima. C'est pour ça que بعض أئمة الأشاعرة كالجويني وغيره, à la fin de leur vie, ils ont délaissé madhhab أهل الكلام, madhhab الأشاعرة, Léna, c'est fondé que sur des suppositions, il n'y a aucun dalil. Ils ont perdu leur temps vers Hada et ils ont regretté. Et Ba'dhum, ils ont délaissé Madhab al-Asha'ira et ils sont revenus à Madhab Ahl al-Tafwid en pensant que c'était Madhab al-Salaf. Et ils se sont égarés, Iyadam Billah. Il faut bien faire la différence. Al-Tafwid, c'est pas Madhab al-Salaf. Léna al-Tafwid, c'est le fait pour eux, ils ignorent le sens et le comment. Amma Ahl al-Sunnah, ils connaissent le sens et ils ignorent le comment. Had al-Farq, il est important. Et celui qui l'a compris, Inch'Allah, c'est Yafham Had al-Kalam qu'on va lire ensemble. Qala wa bihada ulima butlan madhab al-Mufawwidah. قال في الحاشية مذهب المفوضة ظهر في مطلع القرن الرابع وتعززت مقالة التفويض في النصف الأخير من القرن الخامس. Donc ce madhhab s'est propagé beaucoup au 5e siècle de l'Hégire. Il est apparu à la fin du 4e siècle et il s'est propagé أكثر au 5e siècle. قال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب. فائدة عظيمة هنا أن ليس كل من انتسب إلى السلف أنه حقا اسم السلف. Try an example avec هؤلاء الأشرار الضلال. C'est pas tous ceux qui se disent annahum izam as-salaf et annahum suivent as-salaf, annahum forcément ils suivent les salafs. Les anna, il y a une différence entre prétendre et faire. La prétention, c'est facile. À notre époque, hatta al-ash'ari abdullah, ils disent ils sont min ahl as-sunnah. Et كثيرون من الناس ils se sont égarés, les anna, ils pensent vraiment que l'ash'ari c'est ahl as-sunnah. Et ils les ont suivis via hadha al-dalal. Celui qui suit vraiment salaf, c'est celui qui connaît leur fondement et qui suit leur fondement. Man min as-salaf, si on se pose la question. Qala anna al-ma'ani majhula. Man. Tu ne trouveras pas ça. Est-ce que c'est Abu Bakr radiyallahu anhu, ou Omar, ou Ibn Abbas, ou ba'dahum al-Hassan al-Basri, ou l'imam Malik, ou l'imam al-Shafi'i, ou l'imam Ahmed, abadan. Lakin hum, ils ont pensé, ba'dhum, ils ont vraiment pensé à ça et ils ont dit c'était as-salaf qui était à ça. Ils se sont égarés, ayyadam billah. Et umma, min al-nas, ils les ont suivis dans cet égarement. Fal hadar, khasatan à notre époque, on fait attention. Fais attention, akhil karim, aux étiquettes. Wahed, le premier qui vient, il te dit je suis kada kada et tu crois tout ce qu'il dit. On a une époque de fitna, ihdar, khasatan fi bab al-ilm. C'est pour ça qu'à notre époque, conseil, suivez al-ulama al-ma'roufine. Oh, tartah. Tartah, ils ont expliqué la plupart des matières, la plupart des dorus, la plupart des livres. Et le haq, alhamdulillah, il est ma'ahum. Amma wa'ad, tu ne connais pas, min ayn ja'a, ayn adaras. Qu'est-ce que les gens ils pensent de lui? C'est quoi son hal? Et il te cite des choses, certaines des choses que tu n'as jamais entendues. Des choses gharibas, fahadhar. C'est un bab walal. Al-ilm, il est wadih. Si tu prends que Kutub, ou Ashrita, ou Ibn Uzaymin, ou Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Muqbil, ou Cheikh Al-Bouzan, ou Haoula, Al-A'imma, Al-A'lam, tu verras que, alhamdulillah, tu seras à la khayr. On fait attention, ça ne veut pas dire, Iyadam Billah, comme il dit certains, il faut prendre que deux, et on ne prend pas des autres. Là, lakin, Haoula, c'est mujarrad amithal, et c'est pour pas ne te wassir via là, khassatan avec Internet, l'an. Internet, l'an, tu écris. Tu recherches l'explication de n'importe quel livre, tu trouveras des dizaines de shurrah et de personnes qui ont expliqué ce livre. Vahdar. Annaka, tu ouvres tes oreilles et tu écoutes hakada n'importe qui. Lianna rubama in shubha bi at-tafwid. Ou in shubha bi min shubha al-ash'ira. Et ça te fera beaucoup de mal. Allahu a'lam, est-ce que cette shubha sortira de ton cœur? Amla. Fal insan yahdar. والسلامة لا يعدلها شيء surtout سلامة الدين et tu préserves هذه النعمة alhamdulillah tu as besoin de quelque chose فالعلماء المعروفون موجودون alhamdulillah alhamdulillah tu ne trouveras pas une mas'ala un livre que العلماء de la sunna ils n'ont pas expliqué on est obligé d'aller écouter un munharif un mutadi ou quelqu'un qu'on ne connaît pas evident مقدر si ça arrive tu es excusé reste ignorant alhamdulillah لا يقلب الله نفسا إلا وسعها أما au nom du ilm, on prend des risques et on met en danger notre din. Ce n'est pas aqidat al-salaf. Ce n'est pas madhhab al-salaf. Abadan. Qala وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. Donc les salafis ont bien accepté l'essence. Et tu le trouves هذا في كتب التفسير, tu le trouves في كتب الاعتقاد. أن الصحابة, un tel من الصحابة رضي الله عنه, il a expliqué ce verset بكذا. On a cité أثر مجاهد رضي الله عنه ورحمه الله أنه il a demandé à Ibn Abbas, il a lu le Coran sur Ibn Abbas deux fois, il l'arrêtait à chaque verset pour lui demander. Ça montre que les معاني elles étaient connues. Mais ce qu'on ignore, c'est le comment et le kayfiyya. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة وطبع مستقلا après en plusieurs مجلد العقل والنقل. C'est un kitab nafis, lakin il est compliqué. Ce kitab, il demande un certain niveau en langue arabe, un certain niveau fi al-aqida. Et ce n'est pas tout le monde qui peut lire ce kitab. Limada lanna Cheikh al-Islam, rahimahullah, yarud ala al-mutakallimin wa al-ash'ira wa al-dullal. Et le kalam, il est compliqué. Khasatan pour les non-arabophones. Et même pour les arabophones, ça ne suffit pas la langue arabe. Il faut connaître madhab al-salaf, aqida al-salaf pour pouvoir comprendre ce livre. Et ta'lamoun, quwwat Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, certains de ses livres étaient très très compliqués. C'est pas tout le monde qui peut les lire. Min hadhihi al-kutub, ce livre, Al-Aql wa al-Naql. Dans ce livre, il explique le lien entre la raison et les textes. La raison, elle ne contredit pas les textes. Et yarud ala al-aqlaniyin min mu'tazila wa ash'ira avec ahyana leur kalam. Ça peut être compliqué pour certains, wala shak. Qala wa amma at-tafwid. فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبير القرآن وحظنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله. C'est ce qu'on a cité en lisant la parole du Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله quand il a cité le, après avoir cité le verset أفلا يتدبرون القرآن. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن ثم كم on dit après cela يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض. Thumma, on dit à Wahid, lakin ne cherche pas à comprendre le sens de ce verset. Thumma d'un deuxième, Thumma d'un troisième, Thumma des centaines, Thumma des milliers de versets dans les noms, dans les attributs. Fahal hadha yu'aqal, est-ce que hadha ça rentre dans la raison? Abadan. Qala, ila an qala rahimahullah wa hina idhin fayakoun ma wasafallahu bihi nafsah fil Qur'an. Ou kathirun mima wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamu l'anbiya'u ma'na bel yaqulun kalaman la ya'qiluna ma'na. Et c'est ça qui, ce que ça implique kalam al-mufawwid. Madhhab al-tafwid fil haqiqa lawazimuhu c'est du kufr. Et si quelqu'un croit vraiment en ce que Cheikh l'islam il va citer l'un, voilà, je sais que c'est pas un musulman. Limada li'anna, le fait de dire que le sens il est inconnu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'anbiya, les prophètes de Nuh jusqu'à notre prophète Mohammed alayhi salatu salam, ils connaissaient pas ma'ani, ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur révélait par rapport aux noms et aux attributs. Il y en a les noms et les attributs, c'est pas que pour cette umma. Al-aqida, c'est pour tous les anbiya. La shak an al-anbiya, quand ils ont propagé la révélation sur ce point, la shak que c'était des choses qu'ils comprenaient. Wa illa, comment ils vont appeler une chose qu'ils ignorent? On répète, qala ma'na أو قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن وكثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه. C'est ça que ça implique. Ça veut dire que les prophètes ils connaissaient pas le sens. قال بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. Et là je sais que le prophète qui va recevoir, مثلا notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, il a reçu la révélation du Coran al-Karim, beaucoup de versets dans les noms et dans les attributs, la shak il les a propagés. C'est pour ça que les sahaba, ils ont écouté, les ont appris par cœur. Jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, le Coran, il est mahfoud. Ça veut dire, à la qawlihim, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ignorait. Il a propagé ces versets, lakin, il ne savait pas c'était quoi, le sens. Iyadam billah. Qala, wa qala wa ma'loumun, anna hadha qadhun fil Qur'an wal anbiya. Sahih. Qadhun ay ta'nun. Hadha, l'aqiqa, c'est une critique envers le Coran et envers les prophètes. Limada, lianna, prétendre que hadha le Coran, il est majhoul, ou certains de ces versets, on ne peut pas les comprendre. Donc ça veut dire que les sens ils sont clairs. Pour que ça soit quelque chose de clair pour toi, que ça soit une rahma, que ça soit la guidée, il faut que ça soit, qu'il soit compris. وهكذا الأنبياء طعنوا فيهم pourquoi لأنهم ils ont propagé une chose d'après هؤلاء qu'ils ignoraient. قال رحمه الله إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيان للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله وعقله أي تفهمه فهمه ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أشرف ما في هذا القرآن et le plus important, les versets les plus importants, c'est les versets des صفات, des noms d'Allah et des صفات d'Allah عز وجل. لماذا؟ لأن c'est le sujet le plus important. معرفة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الضلال, ils ont dit que ce qui est incompris, qu'on ne peut pas comprendre dans ce Coran, c'est les versets, ces versets. Et il est plus important. قال لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم. Et ça c'est grave. لأن ça implique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que c'est incompris, ça implique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas montré cette chose aux gens, vu que lui-même, il ne savait pas. وَهَذَا طَعْنٌ فِي الرَّسُولِ حَقِقَة, c'est une critique sur le prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قَالَ وَلَا بَلَّغَ الْبَلَغُ الْمُبِينُ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَيَقُولُ كُلُّ مُلْحِدٍ وَمُبْدَدِعٍ الْحَقُّ فِي نَفْسِي الْأَمْرُ مَا عَلِمْتُهُ بِرَأْيِهِ وَعَقْلِهِ. Ça ouvre une porte à Ahlul Dalal. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Ajaïra. Qu'est-ce qu'ils ont dit l'Ajaïra? Al-Mufawwidha, ils ont dit on ne connaît pas le sens. Ahlul Bid'a wa Dalal min Ash-Sha'ira wa ghayrihi min Al-Mu'arrifa, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit si, les mains c'est la force, les autres ils ont dit c'est la ni'ma, les autres ils ont dit c'est telle chose. Alors que la porte leur a été fermée. Les mains c'est des vraies mains, on n'a pas le droit d'expliquer avec un sens autre que les mains comment elles sont. Allahu A'lam. Est-ce qu'elles ressemblent aux mains des créatures? Abadan. On ferme la porte, on reste à la aqidat salaf. Qala, rahimahullah. وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. هكذا النسخة شيخ ابن عثيمين ضبط يستدل avec فتح الياء يستدل به. وفي الشرح قال رحمه الله يصلح أن يقال يستدل بالضم قال وهو أقرب إلى السياق. نعم هذا شيخ ابن عثيمين في الشرح الى montré que هذا القول يستدل مضبوط هكذا ف une autre نسخه يستدل avec الضم او plutôt قال شيخ ابن عثيمين يصلح ان يقال يستدل صحيح c'est اقرب هنا لا يجوز ان يستدل به c'est اقرب لكن il faut savoir que dans le livre de شيخ الاسلام c'est مضبوط avec الفتحه. قال فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم. صحيح أن المعنى il est pas connu, أن on doit pas essayer de connaître le معنى. Tout ça ça ouvre un باب أهل الضلال et ils ont cité des sens faux. ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. هكذا لسان حال المفوض كأنه يقول هذا إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. C'est comme s'il disait Adal. L'imam d'Aliyan al-Anbiya, ils n'ont jamais dit que les sens n'étaient pas connus. Et Houa, ka'annahu, il est atqa, awra. Il a plus de zuhd que l'Anbiya. Al-Mawawid. Il ne faut pas dire que le sens, il est connu. Ayyadam billah. Qala, li'annana nahnu na'lam ma naqul, wa nabiyuna, wa nubayyinuhu bil adillati al-aqliya. Wal-Anbiya lam ya'lamu ma yaqulun fadlan an an yubayyinu muradahum. Fahada, il faut bien comprendre on a que Cheikh l'Islam rahimahullah yadhkur lisan halihim, c'est comme s'il disait hada sahih le qawl il implique hada iyadan billah. Qala fatabayyana anna qawla ahl at-tafwid alladhina yaz'umun annahum muttabi'un lis-sunnah was-salaf min sharri aqwali ahl al-bid' wal-ilhad, ay hada al-madhhab wa hadhihi al-aqwal que Cheikh l'Islam il a cité an haula, c'est min sharri aqwal ahl al-bid'ah, c'est parmi les paroles les plus graves de ahl al-bid'ah wal ilhad. Et ces paroles iyadan billah hadhihi al-ilzamat, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Limadha li'anna ta'nun fillah, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé une chose, il nous a ordonné de méditer et on peut pas. Ayna al-hikma, ayna al-haq, ayna ar-rahma iyadan billah, tout ça ta'nun fillah azza wa jalla. Kadhalik ta'nun fil qur'an, al-qur'an pour chaque musulman c'est kalamullah, c'est un livre parfait. Les sens, ils sont parfaits. Hum, ils disent là, une grosse partie, les sens, ils sont inconnus. Ta'anun vil-anbiya. Al-anbiya, ma'arik avec ahl al-kufr. pour cette aqida. Et comme ta'ibou, combien de sacrifices pour propager hada, hum, ils disent là, ils ignorent, ils ont propagé une chose qu'ils ignorent. Iyadam billah. Là, chacun, qawl al-mufawwada, c'est parmi les aqwa les plus graves. Et ma'a hada, kathirun minan nas, jusqu'à aujourd'hui, ils pensent que hada al-madhab, c'est madhab al-salaf. Hada al-madhab, ils disent que c'est madhab السلف أعلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم عيدا بالله كما ذكر شيخ الإسلام وهذا إن شاء الله يمر معنا في الواسطية على كل حال الإنسان ينتبه انتبه قول شيخ الإسلام هنا قال قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف فمع هذا الزعم أي مع زعمهم أي avec cette prétention أنهم يسفيفر السنة والسلف فسي لي بير قولهم سي لو بير من شر اقوال اهل البدع والالحاد ça te montre احذر l'apparence c'est très simple التسميه c'est très simple je suis sunna je fais ça c'est très facile لا العبره سي بالاقوال العبره سي باصول الشخص اين درس c'est quoi ses fondements c'est qui ses fréquentations et inshallah ta'ala tu sauras s'il est vraiment à la sunna ام لا قال رحمه الله انتهى كلام شيخ الإسلام قال كلام الشيخ أي ابن تيمية وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم من أحسن من بين انحرافات هؤلاء في الصفات قصص المفوضة أو الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله que ce soit dans le fatawa, que ce soit dans le tadmouriya, que ce soit dans le hanawiya, que ce soit dans l'aql ou l'naql, que ce soit dans le rad ala al-jahmiya, que ce soit dans beaucoup de ses livres. Rahmatullah alayhi, jihadun kabir, il a fait contre ha'oula. Limada, l'anna, l'époque des salafis, ha'oula, ils n'étaient pas encore sortis. Même ceux qui sont sortis qu'al-jahmiya, il a akhiré au départ, ils n'avaient aucune quwa, ils se cachaient, ils ne pouvaient pas propager leur bid'a. Comme on a détaillé sur les doros qu'on a fait sur les sectes. Après l'époque des Salaf, le 4e siècle de l'Hégire, le 5e siècle, Bid'at al-Tafwid, avec Bid'at al-Ash'ira, al-Jahmiya ou al-Mu'tazila, ils étaient déjà propagés. Le 6e siècle, Cheikhul Islam, le Taymiyyah, rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala, wuffaqah. Radda alayhim al-Jihad kabir, toute sa vie. Ça veut dire, c'est pour ça qu'après Cheikhul Islam, le Taymiyyah, c'est lui la référence. Bi'idnillah azza wa jal. لماذا لأنه il a côtoyé هؤلاء il a connu هؤلاء et رد عليهم من كتبهم avec la raison et قبل ذلك avec les textes هذا celui qui veut comprendre هذه العقيدة فالحقيقة لابد يمر على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية et son élève ابن القيم رحمه الله il a détaillé il a expliqué il a facilité le علم d'Ibn تيمية رحمه الله donc pour comprendre le علم de شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك tu dois passé par les livres de l'imam al-Qayyim rahimahullah. Tastafid min hada anna man yat'an, que ce soit à notre époque ou à n'importe quelle époque, man yat'an fi al-imam al-Qayyim ou l'imam al-Taymiyyah, i'lam annahu il est pas à la sunna. Lianna sunni yuhib ha'oula. Celui qui les critique, i'lam imma c'est un ash'ari, imma c'est un soufi, imma c'est un rafidi, imma c'est un khariji, wa illa fa sunni peut pas ta'an sur ha'oula. Limada lianna un khadamuddi. Ou un ignorant qui connaît rien de son dîn et il a entendu les gens dire Ibn Taymiyyah c'est kada, il répète. Ou illa, celui qui connaît As-Sunnah et qui aime cette aqidah, fa la shak annahu il aimera ces deux imams alayhim rahmatullah. Et parmi ceux qui ont donné beaucoup de temps pour faciliter, simplifier ilm shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, et kada lik son élève à notre époque, shaykh Ibn Uthaymin. رحمة الله عليه. إسون ليه تقريب التدمورية وتلخيص الحموية. الحمد لله إسون كونوا عند طلبة العلم. نكتفي بهذا. ينقص عن أدخل الدرس. الخلاصة. avant de terminer أن هذه هي القاعدة la troisième أن ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار أي المعنى. المعنى اللائقة بالله. comme on a expliqué dans le درس précédent. Donc le sens, on le connaît avec la langue arabe. On connaît aslul ma'na. Ça ne veut pas dire qu'on connaît le comment. Amma al-kayfiyya fa majhoula. On ne connaît pas le comment. Ça, c'est une qa'ida muhimma que chaque sunni, il a besoin pour comprendre hadha al-mu'taqad الطيب. والحمد لله رب العالمين.